friends, welcome aboard. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David. I am in for Carol tonight, and we've got Cynthia also. Bonjour mes amis, vous écoutez Bonjour Minnesota. Nous sommes David et Cynthia. I know the music tonight, and Cynthia knows the language. So, what do you have to say about the? What do we have coming up? Maurice Chevalier to begin with? Ouais, nous commençons avec le grand Maurice Chevalier. That's what it is. All right, friends, take it away. This is Maurice Chevalier doing Les Ananas. Ladies and gentlemen, a few years ago, an American song came in Paris, which was called Yes, We Have No Bananas. You remember that song, eh? Yes, we have no bananas. Oh, it was a very big success in Paris. Everybody was crazy about it. So we French answered very friendly by a song that says that we have no bananas either, but we have very big pineapples. And of course, in French, we call pineapples ananas. So ananas, bananas, that goes together. I'm going to sing in French a song that says that we have very big ananas. Depuis quelque temps l'on chante avec en train un refrain qui revient chez les Américains. Nous n'avons pas de banane, dit cette chanson. Profitant de la leçon, nous fîmes des provisions. Et puis, ce temps-là, ça va, ça va, ça va. Nous qui sommes des os, nous avons des ananas, des ananas, des ananas. C'est bon des ananas, c'est long des ananas. Ça fond entre les dents, c'est épatant. C'est beau et c'est gros. Ils ont du poil sur le dos. Les ananas, quand on y goûte, c'est fou comme on en sent vite le goût. Nous qui sommes des os, nous avons des ananas. Nous qui sommes des as, nous avons des ananas, des ananas, des ananas. C'est bon des ananas, c'est long des ananas. Ça fond entre les dents, c'est épatant. C'est beau et c'est gros. Ils ont du poil sur le dos, les ananas. Quand on y goûte, c'est fou comme on en sent vite le goût. Nous qui sommes des as, nous avons des ananas. Nous qui sommes des as, nous avons des ananas, des ananas. C'est bon des ananas, c'est long des ananas, ça fond entre les dents, c'est épatant. C'est beau, mon Dieu, mais oui, mais c'est très gros. Ils ont du poil sur le dos, les ananas, quand on y goûte. Mais c'est fou comme on en sent vite le goût. Nous qui sommes des as, que voulez-vous, nous avons des ananas. Je suis un homme du milieu, je suis Momo aux beaux yeux. Les femmes, je les mène à coups de fric et je leur prends tout leur fric. J'ai des poules qui font le trimard, en doublard, en triplard. Il y en a qu'une que je traite à part, avec beaucoup d'égard, et que je considère bien car. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Elle a fait les beaux jours de tout Buenos Aires. Elle m'aime, sans dire un mot. Mignonne, Hampton, tous ses maisons. Je l'ai acheté 25 piastres un soir aux enchères. Et j'ose le dire, y'a pas de meilleure ouvrière. Caresse, tendresse, elle m'entoure. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. C'est une gosse dont l'honnêteté peut pas être discutée. Sérieuse avec les clients, elle a le cœur vaillant. Sans grogner et sans piailler, elle demande qu'à travailler. Il y a 10 ans qu'elle fait le tapin, 10 ans qu'elle reçoit des pains. Je peux bien dire d'elle aux copains. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Je lui ferai un séjour, une petite affaire. À Nantes, au 30, il y a eu maison. Fernande en demande un demi-million. Je vais l'acheter pour elle par devant notaire. Ça fera sûrement plaisir à sa vieille mère. Qu'est chouette retraite pour nos vieux jours. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley. I'm in for Carol tonight, and we got Cynthia in here. Bonjour. Cynthia knows Spanish. I know Spanish. Cynthia knows French, and I know the music, so we're going to go back and forth on this one. We started that little set off on, we're going to kind of do two by each artist for a little while, starting with some of the big names, because I do not have an extensive collection. I brought the famous people. Started off with Maurice Chevalier doing Les Ananas, and then Ma Régulière. What? You want to talk about those songs? Well, my favorite lyric from Les Ananas was C'est beau et gros, which means it's beautiful and fat. And then I think... His pineapple? His pineapple, yes, of course. What else? And then I think that Ma Régulière refers to his steady girlfriend, though I may be wrong. You know French and you have a dictionary. And so. I have a dictionary. I thought we were going to keep the dictionary secret. Oh, I forgot about that. We don't have the dictionary. All right. After that was Edith Piaf doing one of her most famous songs. Tell us about that song. Non, rien de rien. It's a song about, you know, not regretting anything you do. What more is there to say? Well titled then. Yeah. All right. So we got more Edith Piaf. We actually have a lot of Maurice Chevalier, Yves Montand, Edith Piaf. Les classiques. Yes. We have, let's see, who else do we have? Jacques Brel, all the big names, and we have a bunch of smaller names too. But we got to fill 2 hours, so we're gonna play a lot of the big ones here. So we got another Edith Piaf. This next one is Johnny, you are not an angel. How do you say that? How would she translate that into French? Is it Johnny or Jean? Johnny, tu n'es pas un ange. That's exactly what she's going to say. All right, on KFAI, Bonjour Minnesota. Take it away. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Johnny. Pour y aller, vous prenez le métro, vous foncez dans le populo, y a tout là-dedans. Des mécanos, des employés, des aristos, des petites poules parfois qui sont belles. Tout ça, ça descend à Grenelle. Vous avancez et vous lisez sur le fronton rue Nélaton et au-dessus en lettres vives. Vélodrome d'hiver, mon Veldive. Veldive, quand je t'ai vu pour la première fois, il y a combien de ça, je ne sais pas. Mais je sais que je n'étais pas plus haut que ça et que papa me portait sur son bras. Veldive, quand j'avais pas de soucis pour toi, que je resquillais comme il se doit quand le contrôleur regardait pas. Veldive, perdu tout là-haut dans les hauteurs, j'entendais les haut-parleurs. Hurler, attention, demi-pont sur une heure, on départ, métier les coureurs. Vas-y, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, dans la poche. Que ce soit des boxeurs, des cyclistes sur le parquet ou sur la piste, que ça se passe l'après-midi ou le soir aux réunions de nuit, il y a toujours un monde inouï. Le Veldive, c'est un peu Paris. Paris qui vit, Paris qui crée, Paris bon cœur, Paris blagueur, si tu n'avais pas existé. Mais Paris t'aurait inventé. Comme tous les petits gosses de Paris, là-haut avec les amis. Pendant 6 jours, qu'est-ce qu'on a poussé comme cri? Et Toto, tu l'as, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Veldive, j'ai grandi, ce qui n'est pas fameux, mais pour toi j'ai toujours les yeux de jeune marié ou d'amoureux. Veldive, même si on ne connaît pas son voisin, ça fait rien, c'est un copain. On part en donnant quelques bonnes poignées de main et l'on dit à dimanche prochain. Hey, hey, Genot, Genot, c'est pas moi. Suivez, suivez, suivez, suivez, suivez, suivez, suivez. Veldive, J'ai grandi ce qui n'est pas fameux, mais pour toi j'ai toujours des yeux de jeune marié ou d'amoureux. Vélive, même si on ne connaît pas son voisin, ça fait rien, c'est un copain. On part en donnant quelques bonnes poignées de main et l'on dit à dimanche prochain. Salut les gars, à dimanche. Bala Billa Bilbao, Bilbao, Bilbao, c'était le plus beau bal de tout le continent. T'avais à gogo le bruit, le rêve, le bruit, le rêve, le bruit, le rêve, et tout ce que le monde offre à ses enfants. Et quand on entrait dans cet établissement, je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu. On riait en buvant comme des perdus, sur le parquet l'herbe poussait de rue. Par le toit la lune verte passait, et puis la musique. Alors là, vraiment, alors on t'en donnait pour ton fric, hein. Hey Joe, Joe, rejoue la musique de ce temps-là. Vieille lune de Bilbao, que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, jamais je te ferai défaut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux. Je ne sais pas trop si genre de truc vous aurez plu, mais... c'était le plus chouette, c'était le plus chouette, c'était le plus chouette du monde entier. Bala Billa Bilbao, Bilbao, Bilbao. Un beau jour fin mai à l'an 1908, quatre mecs s'amenèrent plein de galettes, plein de galettes, plein de galettes. Raconter tout ce qu'ils ont fait, ça je pourrais pas. Mais si vous étiez arrivé ce jour-là, je ne sais pas trop si genre de truc vous aurait plu. On riait en buvant comme des perdus, sur le parquet l'herbe poussait de rue. Par le toit la lune verte passait, les 4x4 frisco tiraient des coups de Browning à qui mieux mieux. Et par là-dessus, la musique continuait. Vieille lune de Bilbao, que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, jamais je te ferai défaut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux. Je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu, mais... c'était le plus chouette, c'était le plus chouette, c'était le plus chouette du monde entier. Le bal à Bilbao, Bilbao, Bilbao. Aujourd'hui tout est repeint, tout est décent. Plante grasse et glace ordinaire, ordinaire, ordinaire, comme dans tous les autres établissements. Mais si vous venez à passer ce jour-là, ça vous plaira peut-être bien, on ne sait pas. Moi, ça me fait de la peine, on peut plus rigoler. Il n'y a plus d'herbe sur le parquet. La lune verte, elle a fait ses paquets. Et puis la musique. Alors là, alors, on a vraiment honte pour son fric, hein. Hey Joe, Joe, rejoue la musique de ce temps-là. La la la la la la. Comment c'était les paroles déjà? Oh, je m'en rappelle plus. Attends. Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley, and I am in this week with Cynthia. Hello, Cynthia. Bonsoir. I said bonjour before, but more correctly, it's bonsoir. Good evening. Good evening, friends. All right, so we started that set off with more Edith Piaf doing Johnny, You're Not an Angel. Johnny, tu n'es pas un ange? Tu n'es pas un ange. That's close. All right. Yves Montand after that. We're playing a couple of songs by each of these people, and we'll probably come back to some of these people when we run out of music. But Yves Montand, big favorite of mine. I've been listening to him since I was a teenager, and still I don't know French very well, hardly. Yves Montand starting that set off with, actually not starting the set off, but his first song after Edith Piaf was Veldive, and that was about a sports place in Paris that does not have a very good history. I don't think he's singing about that history at all. So, you know about the Veldive stuff in World War II? No, pas du tout. It's not pleasant. But the song is very pleasant. After that, he does a song called La Chanson de Bilbao. And I have not been to the Bilbao region, but I like Spain very much. I think he does too. After that, Jan Tiersen doing the Amelie Waltz. Why don't you pronounce that for us? La Valse d'Amelie. Yeah, that's exactly right. Valse. I'm not sure if it's valse or vals. Valse. Okay. That was off of the Amelie soundtrack. We're going to come back to that. We love the Amelie soundtrack around here. Tout le monde aime le film Amelie. Yes. All right. So here's another one of your favorites, Cynthia. This is Charles Trenet. Ouais. C'est ma chanson favorite du monde. It's a pretty good song. Everybody knows this song. Everybody loves this song. Here you go. Boom. On Bonjour Minnesota. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Hello, KFAI listeners. This is Janice Lane Ewart, Executive Director of KFAI Fresh Air Radio. Speaking on behalf of Board of Directors, volunteers, and staff, please accept our deepest thanks to every listener who became a new member, renewed their membership, or came back to the KFAI family after a time away. 984 listeners contributed $66,213 in our 8-day drive. Truly fantastic. The shift away from a 2-week pledge drive also means some listeners may have missed an opportunity to become a new member or renew your membership. If you're listening now and you realize you forgot to support your Radio Without Boundaries, go to kfai.org and click on Donate Now. Your support will be greatly appreciated as each public broadcasting station finds more challenging times to raise funds in these economic and political times. We could not do this without your financial support. So again, thank you. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Voulez-vous danser marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le menuet, c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi, pour l'amour, je suis toujours prêt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le menuet, c'est la polka du roi. Montons sans faire de tapage, tout en dansant le menuet là-haut. Montons jusqu'au troisième étage. Du bonheur nous aurons bientôt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entrons en danse, quelle cadence. Mmh, mmh, mmh. Le menuet, c'est la polka du roi. Oh, douze et moi, minute brève, c'est dans la joie, la soie et le satin que j'accomplis mon plus beau rêve. Chérie, je vous possède, enfin. Oh, oh, oh, entrons en danse, quelle cadence. Oh, oh, oh, le menuet, c'est la polka du roi. Mais soudain, qu'y a-t-il, marquise? Je ne vous sens plus très bien dans mes bras. Vous fondez comme une banquise. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Oh, ah, oh, ah, entrons en danse, quelle cadence. Oh, ah, oh, ah, le menuet, c'est pourtant la polka du roi. Hélas, monsieur, je suis en cire et veux. Vous êtes au musée Greffin, Louis XIV. Ah, triste sire, nous ne sommes plus des humains. Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes

And we couldn't figure out what that song is about, but it's whenever he sings anything, it is incredibly and over the top meaningful. And c'était très fort. Yes, exactly, with a lot of power. Is that right? Yeah, very, yeah. Okay, after that, Zangra. I don't know what that one's about either, but that, we figured out it was a person's name, that one. Both of those were live. The first one is off of just a collection called Jacques Brel off of Polygram, and then the other one was from the Olympia concert in 1961. He also has an Olympia 1964, which is also good. I brought that. We'll see if we'll get to that one. What do you think of Jacques Brel? Je l'aime beaucoup. Yeah, that's what I said. After that, Josephine Baker, great, great American singer, but sang mostly in French. And she was loved in France. American musicians are loved in France, especially jazz musicians. Especially during the 1930s. Yes. So that was her doing Dis-moi, Josephine. And so why is she telling? She says, tell me, Josephine. She's talking to herself in that song. We had to figure that one out. We got another one from her coming up. Do you want to tell us a little bit about her? About Josephine Baker? Sure. All I know about Josephine Baker is that she was the African-American woman in Midnight in Paris. Oh, that's right. Except for not really. She was the character. Yes. All right. This is her doing a wonderful song called Ram Pam Pam. Not sure what it means, but it sounds good. On Bonjour Minnesota on KFAI. Take it away. Take it away. Un grand souci qui tourmente la terre. Que faut-il faire quand on veut plaire? Chacun se casse la tête et se désespère pour provoquer l'amour. Question du jour. Avec le rompompon, le petit rompompon, on peut facilement créer l'enchantement. Avec le rompompon, le petit rompompon, ce pauvre cupidon devient doux comme un mouton. Et tout autour, le mange, les grumes et les plantes savent qu'il faut ajouter beaucoup de rompompons à la tendre beauté. Le sacre pousse la vie, les dents des rompompons. Joséphine, il faut nous expliquer ce remède à tous nos embarras. Est-il si délicat? Nos cas, tous les messieurs sont de bois possèdent le secret d'agrément si charmant. Le petit rompompon, qu'elle n'en plus cette puissant, n'importe quel amant. Avec le rompompon, le petit rompompon, il en aussitôt notre cœur pour un yo-yo. Et pour les dames, minons, quand les filles le devinent, nous faisons de nerfs au cœur. Once the mythical Orpheus lived in the Balkans. Experience the enchanting music of this region. Immerse yourself in a fast-paced and complex rhythms. Embrace this unique, fascinating music with Nikolai at Balkan Jamboree. Come, join me every Tuesday from 10 p.m. to midnight here on KFAI. Hello, KFAI listeners. This is Janice Lane Ewart, Executive Director of KFAI Fresh Air Radio. Speaking on behalf of Board of Directors, volunteers, and staff, please accept our deepest thanks to every listener who became a new member, renewed their membership, or came back to the KFAI family after a time away. 984 listeners contributed $66,213 in our 8-day drive. Truly fantastic. The shift away from a 2-week pledge drive also means some listeners may have missed an opportunity to become a new member or renew your membership. If you're listening now and you realize you forgot to support your Radio Without Boundaries, go to kfai.org and click on Donate Now. Your support will be greatly appreciated. As each public broadcasting station finds more challenging times to raise funds in these economic and political times, we could not do this without your financial support. So again, thank you. De ces arbres fleuris, on se croirait à 100 lieues de Paris. Chaque balcon tend au ciel son fardeau de poussière et de moineaux. Sur les bancs entre les toits qui penchent, de bons vieux penchent leur tête blanche. Dans ta comme il fait bon vivre le long des jours, dans ta rue, le temps semble arrêter son cours. Chaque dimanche, jouant dans les branches, le soleil est là de retour. Dans ta rue, l'air sent bon, le rêve et l'amour. C'est là dans l'ombre des arbres fleuris, un jour d'été que tes yeux m'ont souri, le doux baiser que je t'ai dérobé, lorsque le soir est tombé, sous leur volet mi-clos, les demeures semblaient dire, aimez-vous, voici l'heure dans ta qu'il fut magnifique ce premier jour dans ta rue. Ce soir-là, j'ai rêvé d'amour. Seul aujourd'hui dans notre beau chez nous, je me souviens des premiers rendez-vous, le banc des airs où l'on s'est embrassé par là mon cœur. Du passé, sous les arbres bordant la fenêtre, que de fois j'ai cru te reconnaître. Dans ta rue, qu'il fera bon vivre le long des jours. Dans ta rue, lorsque reviendra notre amour, quel beau dimanche, lorsqu'entre les branches, tu me feras signe, bonjour. Dans ta rue, nous serons heureux. Fermé laisser voler les joyeux triolets de l'accordéon fuse. On voit comme sur un écran les profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frise à l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme des pas incertains, soudain, serait-ce l'heure? Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure. Des jurons, on le voit mal, et des râles, la chute de corps lourds, hargneux, des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine au choc la fureur des costauds en sueur qui roulent et qui s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le calme revient brusquement, vraiment, était-ce un leurre? Pourquoi ces sanglots convulsifs, furtifs, des femmes pleurent? Là-bas, un groupe traîne vers la scène, quelques paquets maudits qui sombrant la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fuse. Les lampions éclairent discrets, les couples guilleraient en leurs ombres confuses. On dit que ce soir le costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent est sorti très gai, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets. La guinguette avait mis ses volets. Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley, in for Carol this week, and we also have Cynthia in speaking French with us. Oui, vous écoutez Bonjour Minnesota sur KFAI. That's exactly right. Okay, we started the set off with Josephine Baker doing Ram Pom Pom, and that was quite wonderful. What do you think of that song? Oh, it's very beautiful. It's yeah. Très belle. We love Josephine Baker. After that, we're going back and forth. We're playing the Amelie Waltz in all of its different permutations tonight. That was the second version. It's by Jan Tiersen, and that was the orchestra version off of the Amelie soundtrack. L'orchestre avec un peu de boîte à musique. Exactly right. After that, André Claveau, a person I have a CD by, but I don't know a whole lot about. That was Dan Taru. Is that how you say that? In the road? In your road? On your street, kind of like on the street where you live. The house I live in. Like the Sinatra tune? Something like that. Yes. Okay, after that, someone named Damia, who I like quite a bit, but I don't know much about. Tell us about that song, Cynthia. What was it? Sorry again. Oh, La Guinguette a fermé ses volets, right? Exactly. The title means the dance hall has closed its shutters. And so I think it's a closing time song. So this is sort of a Tom Waits in French, maybe? I was thinking more like semi-sonic, like, you know, the dancing time's over, so let's go home together and see what else is available tonight. My goodness, that sounds randy. Okay, so that last one was off of a collection called Café de Paris, 18 French Accordion Classics. We have a lot of good songs off of that collection coming for you, listeners. And what do we have now? We got a treat for him? Nous allons jouer une chanson du film Les Demoiselles de Rochefort. Et c'est un film que David m'a donné pour Noël il y a 3 années maintenant. Is that, 3 years ago? I gave you this movie three years ago for Christmas. Yes. C'est une film très belle avec beaucoup de danse. Et Catherine Deneuve. One of the dancers who was in West Side Story is in this movie. George Chakris. This is the most entertaining movie other than possibly The Wizard of Oz that's ever been made. It's unbelievable. I read a review of it recently. The Young Girls of Rochefort is what it's called in English. And it said that this movie will make you happier than any other film experience ever. C'est vrai. It's unbelievable. On ne peut pas le regarder sans devenir heureux. Yeah. And also, we forgot that Gene Kelly is in it, too. Yeah. It's so good that Gene Kelly is like the minor character in it. Yes. It's amazing. And he's wonderful in it. And I don't really even like Gene Kelly. And he's great in it. So, yes, the twins are played by Catherine Deneuve and Françoise d'Orléac. Pronounce that? And I don't know if Françoise d'Orléac sings, but I know that they're having, that Catherine Deneuve does not sing. Or dance, interestingly. Yeah, that's funny. She plays the dancer of the two, and she's not a very good dancer. And they have somebody doing the voiceover. But it doesn't matter. It's movie magic. And hopefully all of you, or most of you, have seen The Umbrellas of Cherbourg, which is just a perfect movie. Well, this is by the same guy, but it's that movie plus endless happiness. No sadness at all. Le parapluie, it's a very hard word to say in French. Le parapluie de Cherbourg est plus triste. Les demoiselles de Rochefort a beaucoup de joie. Yes, it's just endless happiness. So I urge you to I don't know who's actually singing the voice here of Catherine Deneuve. Unfortunately, they don't give that information. Or if it's even Françoise d'Orléac. But it's wonderful. And then we're going to play another song from the movie after it by, what's the guy's name? His last name is Perrin, but is Jacques Perrin. Jacques Perrin. Is that the same guy that did the Winged Migration movie? I am not sure. We're going to have to look into this. Anyway, none of that matters. It's all about happy music. So yes. Take it away on Bonjour Minnesota. L'été a disparu, quand le temps s'en est allé du côté des saisons mortes, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour revivre... Friends, I need to tell you one more thing that I forgot. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, and I also get to re-cue up the song to the correct song. All right, on KFAI. Enjoy. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Et mon mari tournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre ou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée, musicienne, acrobate, cherchant un homme beau, cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré, mi, fa, sol, sol, sol, ré, do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer allegretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Greetings, Twin Cities. This is Linval Jackson inviting you to join me every Saturday from 5 to 7 for Caribbean Jam. That's right, Caribbean Jam at a new time, 5 to 7, right here on Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. See you on the radio. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Manille encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie. Mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est sa vie, mais à quoi bon rêver? Il l'a cherché partout. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi. Un petit ghetto, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de sang qui l'ont. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages communs ou sensationnels. L'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de tripot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prosper qui dans son coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit ghetto, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Ghetto, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais on m'en vient qu'un seul, Pigalle. Good. qui passe là. Chance qui passe là. Friends, welcome back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley, in for Carol this week. And we have Cynthia. Bonsoir. She's translating from English to French. From French to English to French sometimes, even. All right, we started that set off. We were doing some music from the Young Girls of Rochefort, Les Demoiselles de Rochefort. What? Yeah. C'est très bien. Thank you. The first one was Chanson des Jumelles, which is... The Song of the Twins? Yes, Twin the song, song of the Twins. La Chanson de la Jumelle qui sont nées au signe des Jumeaux, the Song of the Twins, who were born under the sign of Gemini. Wonderful, wonderful, wonderful. Man, it's a good movie. After that, that was the other, the one of the male characters in it who's not Gene Kelly. It was Jacques Perrin doing Chanson Maxence. And it's about his search for his beloved Catherine Deneuve, who he has made a picture of, but he can't find her. Il a cherché partout, mais il ne l'a pas trouvée. He's never seen her. It's his ideal woman. It could be creepy if done in the modern day, but in the movie, it is quite wonderful. Okay, let's see. After that, we did Georges Elmer doing Pigalle, which is an area in Paris. Mm-hmm. Isn't that where like the Moulin Rouge is? It's very near Montmartre, and he actually mentions the Pigalle metro station in it. Uh-huh. Well, how do you know it's the metro station? He could have just been mentioning the Pigalle. I think that la station de métro. That's true. I've been there, actually, but pronouncing is another thing. After that, Nicole Coisil and Pierre Barreau, something like that, doing Un homme et une femme, a man and a woman. Okay. Another absolutely wonderful movie from the 60s. That was the vocal version. There's an orchestra version that was pretty famous too, but wonderful. Good movies from the 60s. So what we have coming up next is that other great French singer, Marlene Dietrich. So actually a German singer, as we all know, but she did some really great stuff in French, and she was on the French side during the war rather than on her home team. Which is, they weren't doing so well. Okay, so the first one is she's going to be doing a song called Marie, Marie, and it's one of her more famous songs. And then she's going to do probably the central French popular song of the 20th century, and you guys know what it is, and we're going to play it for you. All right, let's see what's going on first. Yes, Marie, Marie on Bonjour Minnesota. Take it away. It's a song by Gilbert Bécaud. The song is called Marie, Marie. The girl Marie reads the letter from the prisoner. À Pâques, ou à la mi-carême, quand je serai libéré, lorsque j'aurai fini ma peine, oh, que j'irai t'embrasser dans notre jardin d'Angleterre. Les roses ont dû refleurir si tu l'emportais à ma mère. Fera bien plaisir. Marie, Marie, écris donc plus souvent. Marie, Marie,

c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour du cœur. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Couché dans le foin, coucou, coucou, coucou, couché dans le foin. Il ne faut pas que je vous cache que j'eus toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, mais c'est dommage. La fille de la fermière est charmante et on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux. Des jeux que j'aime davantage, que j'aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles dans les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Vous connaissez des femmes du monde qui jusqu'à 80 ans restent blondes et qui sont folles de leur corps. Elles veulent séduire tous les toréadors qui eux n'en veulent qu'à leur or. Il faut des lumières tamisées et des tentures irisées pour cacher sous leurs baisers leurs apôtres refusés. Eh bien tant pis, mais c'est dommage. Quand on est vigoureux, quand on s'aime et qu'on a le même âme, tous ces décors sont superflus, des canapés il n'en faut plus. Je ne fais plus l'amour en cage. Gardez, gardez vos éclairages. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Seul pour témoin. Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley, in for Carol and Company, and we've got Cynthia. Bonsoir. Good evening. So, what we're listening to, we started that set off with Marlene Dietrich, the great Marlene Dietrich, the great French singing Marlene Dietrich. La fameuse chanteuse allemande. Exactly, the famous German singer. She started her first one she did was Marie Marie, and that was from the wonderful Marlene Dietrich in London. And if you're interested, that's the one to really go for to start with. After that, her version of La Vie en Rose, pretty good. And it's not, you know, it's not Edith Piaf, and she doesn't have like the technical ability to do it, but she can really do that song. I think it's really pretty special. After that, Lucienne Boyer. Doing Parlez-moi d'amour. Is it Talk to Me of Love? Mm-hmm. Not so bad. And what CD was that from? That was actually from a soundtrack from a movie from the 80s, or maybe 1990, called Henry and June. And it has lots of good music. It's kind of a corny movie, but the music is fantastic. It's about a French-American author named Anaïs Nin. Exactly. And an American non-French author named Henry Miller. Okay, after that, Pils et Tabé. Does that sound about right? Something like that. Coucher dans le foin, des fois? Coucher dans le foin. Des fois. Okay, sleeping in the hay. Yes. Sleeping in the hay. Very wonderful song. Excellent, excellent. Okay, so what we have here is coming up is some English, more English language singers, speakers, talkers. We had Josephine Baker earlier, but she's more known for doing French music. And then we had Marlene Dietrich, obviously, who does German and English mostly. But here we got some people who are definitely mostly American or English, and or Canadian even, doing wonderful French songs. This first one is one of the quintessential American singers, Paul Robeson. And then we're going to take it from there, folks. What do you got to say about Paul Robeson? He's an amazing singer. And if you don't know his version of Shenandoah or Old Man River, you need to hear them. Yes, what she said. All right, friends, on Bonjour Minnesota on KFAI. Fanny, a

comme ça, affflamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, la morale viendra se blottir dans vos bras. Tout doux, tout doux, tout doucement. Toujours tout doux, tout doucement. Comme ça, afflamant gentiment, en souriant gentiment, en flânant gentiment. Do you like KFAI? Tell your friends to like us on Facebook. Tag KFAI in your status update. Thanks for tuning in and logging on to your online community radio. I'm just president of my dark little apocalypse, and I approve this message. Plutôt Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley, in for Carol and Company tonight, and we have also Cynthia. Hello, Cynthia. Bonsoir. All right, so we started this set off. We were doing North Americans doing music in French. Paul Robeson doing Dans le Printemps. How do you say springtime? Dans le Printemps de mes années. I have trouble with printemps. It's also a famous department store in Paris, too. Yeah, I've never been to that department store. Been to Paris, though. In the springtime of my years? Yes. Okay, not too bad. Wonderful off of a live... Actually, the whole thing's not live. It's a collection called The Odyssey of Paul Robeson, but that was a live piece off of it. Paul Robeson, friends. Awesome. Out of that, Nina Simone doing the famous Jacques Brel piece, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Quitte pas. Quitte. Yes. Do not leave me. Yes. Exactly. Off of her album, I Put a Spell on You, off of Verve. Excellent. And then Feist, a Canadian, doing Tout Doucement and Always Sweetly. More like Totally Sweetly. Totally Sweetly. Totally. Oh, that's off of her album Let It Die. Very good. We know that song from elsewhere, but we can't remember where. It has definitely been recorded by other Americans. And other French people, actually. Yes, so, those two. But Feist is not an American. She is a Canadian. I think also Madeleine Peru is Canadian, but I may be confused because she likes to cover Leonard Cohen, who's totally Canadian. That was her, that last piece was her doing La Javanese, the Indonesian? Yes, the Javanese. The Javanese person, yes. Off of Half the Perfect World. Pretty good, pretty good, pretty good. Okay, so that was North Americans singing in French, and we've got one song here by a French person singing in North American. This is the awesome French actor. Notice how I do not mention French singer. He's an awesome actor, Charles Boyer. And he's really tremendous. And he did an album in the 60s that is unbelievably sad and depressing and moving and totally over the top. And I love it. It's called Where Does Love Go? It's a very sad record. And there's a picture of him on the cover looking very, very suicidally into the Seine. It's very sad. But he survived somehow. Okay, this is him doing the great American song, What Now, My Love, often done by Judy Garland, all kinds of greats. But here's him doing it with an excellent French accent on Bonjour, Minnesota. Take it away. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now, I'm numb. I've become unreal. I walk the night without a goal. Stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it is over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me. Here is the sky where the sea should be. What now, my love? Now that you're gone, Why? I'd be a fool to go on and on. No one would care. No one would cry if I should live or die. What now, my love? Now there is nothing. Only my last goodbye. My share. Friends, welcome back. You are listening to Bonjour Minnesota on KFAI. My name is David Wiley. I've been in for Carol, and we also have Cynthia in. Bonsoir. And that last song was for you. That was a request by you. Yes, it was. What did we play? I put the music away. I don't know. What did we play? What did we play? Yeah. Hold on, I've got it right here. We played... What did we play? Charles Boyer doing What Now, My Love. Charles Boyer. And that was pretty wonderful. And then we did a piece called... Oh, man. Oh yeah. Maître Pierre by Les Compagnons de la Chanson. That's right. And then we played Stevie Wonder doing Ma Chérie Amour. Wonderful, wonderful. So we have one song left, and we're going to play most of it before Balkan Jamboree comes in, which is an amazing show, and you should stay tuned for. We've got one last bit of Amélie for you. It is the piano version of the Amélie Waltz. Au revoir. What she said.